C'est un appel à l'aide. Player One, on a besoin de toi. On est dans un tourniquet. Il hurle comme 1000 frelons sur un champ de bataille. Pas vraiment Jojo Akira envahit Tokyo. Burn éclate les scores. Et moi je lis Player One. Zelda vers la seconde quête. CD les vinyles remplacés. Burn éclate les scores. Et moi je lis Player One. La terre peut tourner dans l'autre sens. Je m'en tape. Je me dis m'importe c'est de réussir. Même si à mort du pape. Les tortues ninja ne m'arrêteront pas. Même sur la fin du monde, je serai quand même Player One. Sarko reste à Neuilly. Russie soit le CEI. Éclate tes scores. Et moi je lis Player One. Oh no. Payo et j'trouverai Fort Boyard. Un jour je le finirai. Sneakers, je m'en goinfrerai. Moi je lis Player One. Oh no. La terre peut tourner dans l'autre sens. Je m'en tape. Tout ce qui m'importe c'est de réussir. Même si à mort du pas. Les tortues ninja ne m'arrêteront pas. Même sur la fin du monde, je serai quand même Player One. Magasin Z est surmonté de ce dessin animé japonais le plus populaire du moment. Un jour je serai Player One. Nous avons réussi à dégoûter. Accrochez bien, Super Street Fighter 2 sur Mega Drive. Un jour je serai Player One. Super Mario Bros. Sur NES à Super Mario Bros. 4 sur Super NES. Un jour je serai Player One. Et Cap et Mario entre deux aventures. Faire sa vie privée reste bien protégée. Un jour je serai Player One.